Voilà qui est fort bien, mais ce n'était pas moi qu'il fallait employer. Et pourquoi? Oh, pourquoi? Mettez-vous à la place d'une fille et ouvrez les yeux, vous verrez pourquoi. Il y a ça à parier contre un que je plairai. Eh bien, si tu plais, j'y remédierai sur le champ, je vous en connais. As-tu apporté les bijoux? Tenez, voilà, tout. Puisque personne ne t'a vu entrer, retire-toi. Avant que quelqu'un que je vois dans le jardin n'arrive. Va t'ajuster. Il me paraît dans une heure ou deux. Si vous jouez de malheur, souvenez-vous que je vous l'ai prédit. Viens à moi, il te paraît avoir à me parler. Je vous salue, monsieur Lucidor. Eh ben, qu'est-ce? Comment vous va? Vous avez bonne mine, Astaire? Ah oui. Mais je me porte assez bien, monsieur Blaise. Oh, faut qu'on dise que votre maladie vous avez fait du profit. Vous, l'homme morgué, plus rougeau, plus barbeille. C'est réjoui, ça me ferait avoir. J'en suis obligé. Oh, c'est que j'aime tant la santé des braves gens. Allez, si recommandable. Et surtout la vôtre qui est la plus recommandable de tout le monde. Vous avez raison d'y prendre quelque intérêt. Je voudrais pouvoir vous être utile à quelque chose. Voilà mon subtilité là, elle est bonne. Et je viens tout justement vous prier de m'en gratifier d'une. Voyons. Vous savez bien, monsieur, que je fréquente chez madame Argante. Et sa fille Angélie. Elle est gentille, au moins. Assurément. C'est, ne vous déplaise, que je voudrais avoir sa gentillesse au mariage. Vous aimez donc Angélique? Ah! Cette créature-là, ma folle! J'en perçois pas l'esprit que j'ai. Quand il fait jour, je pense à elle. Quand il fait nuit, je rêve. Il faut lui remettre à ça. Et je viens envers vous à seule fin. Par votre moyen, pour l'honneur et le respect qu'on vous porte ici, sur votre grâce. Et si ça ne vous tourne pas à opportunité, de parler à madame Argante pour moi. Oui, je vous entends. Vous souhaitez que j'engage madame Argante à vous donner sa fille. Et Angélique, vous aime-t-elle? Oh, dame, quand parfois je lui compte ma chance, elle rit, tout son cœur me plante là. C'est bon signe, n'est-ce pas? Ni bon ni mauvais. Au surplus, quand je vois que madame Argante a fait de bien, que vous êtes fermier de plusieurs terres, fils de fermier vous-même. Et que si encore une jeunesse, je n'ai que 30 ans, une humeur folichonne, un Roger Bouton. Oui, il est parti pour y convenir. Sans une difficulté. Laquelle? C'est qu'en revanche, des soins que madame Argante et toute sa maison ont eu de moi pendant ma maladie, j'ai songé à marier Angélique, à quelqu'un fort riche qui va venir se présenter, qui ne veut précisément épouser qu'une fille de campagne, de famille honnête, et qui ne se soucie pas qu'elle ait du bien. Morgué, vous faites la vie un tour avec votre avisement, monsieur Lucidor. Là qui m'est bien rude, bien chagrinant et bien traite. Jarniguez, soyons bon, je l'approuve. Mais ne foulons personne. Chez votre prochain autant qu'un autre. Et il ne faut pas peser juste ici pour aller gestir. Moi qui avais tant de peur que vous ne mouriez. Ah, c'était pas la peine de venir vingt à faire demander. Et comment va-t-il? Comment va-t-il pas? Là, t'es pas une santé qui m'est bien chanceuse. Après vous avoir amené moi-même Stila qui vous a tiré deux fois du sang. Et que mon cousin, afin que vous le sachiez, mon propre cousin Germain, ma mère était sa tante. Et Jarny, c'est pas bien fait à vous. Et votre parenté avec lui n'ajoute rien à l'obligation que je vous ai. Sans compter que c'est simple une mille livres que vous montez comme un sou et que la petite aura en mariage. Calmez-vous. Est-ce cela que vous en espérez? Eh bien, je vous en offre 12 pour en épouser une autre. Et pour vous dédommager du chagrin que je vous fais. Quoi? 12 000 livres d'argent sec? Oui, je vous les promets. Sans vous ôter cependant la liberté de vous présenter pour Angélique. Au contraire, j'exige même que vous la demandiez à madame Argante. Je l'exige, entendez-vous? Car si vous plaisez à Angélique, je serais très fâché de la priver d'un homme qu'elle aime. Et mais c'est comme un prince qui parle. 12 000 livres. Mais vraiment, ton bon, je ne saurais me l'avoir. Allons, monsieur! Boutez-vous là que je me prosterne devant vous, ni plus ni moins que devant un prodige. Ah, il n'est pas nécessaire, point de compliment, je vous tiendrai parole. Après que j'en été si mal appris, si brutal. Et dites-moi, roi que vous êtes, si par aventure Angélique me chérit, j'aurons donc la femme et les 12 000 francs avec? Ah, ce n'est pas tout à fait cela. Je prétends, vous dis-je, que vous vous proposiez pour Angélique, indépendamment du mari que je lui offrirai. Si elle vous accepte, comme alors je n'aurais fait aucun tort à votre amour, je ne vous donnerai rien. Si elle vous refuse, les 12 000 francs sont à vous. Elle me refusera, monsieur. Elle me refusera, le ciel m'en fera la grâce à cause de vous qu'il désirait. Ah, prenez garde. Je vois bien qu'à cause des 12 000 francs, vous ne demandez déjà pas mieux d'être refusé. Hélas, peut-être bien que la somme m'y tournait un petit brin, j'en suis friand, je le confesse. Elle est si consolante. Je mets cependant encore une condition à notre marché, c'est que vous feigniez de l'empressement pour obtenir Angélique et que vous continuiez à paraître amoureux d'elle. Oui, monsieur, je suis fidèle à ça. Mais j'ai bonne espérance de n'être pas digne d'elle. Et même moi, j'avoue opinion si elle osait qu'elle vous aimerait plus que personne. Moi, monsieur Bell, surprenez. Je ne m'en suis pas aperçu. Non, vous vous trompez. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous de lui faire ce petit reproche-là devant moi. Je serais bien aise de savoir ce qu'il en est par pure curiosité. On n'y manquera pas. On lui reproche devant vous, Drake, monsieur le commande. Et comme je ne vous crois pas mal à propos glorieux, vous me ferez plaisir aussi de jeter vos vues sur Lisette. Que, sans compter les 12 000 francs, vous ne vous repentirez pas d'avoir choisi, je vous en avertis. Hélas, il n'y a qu'à dire, on se lirait tout sur elle, je l'aimerais par mortification. Oh, j'avoue qu'elle sert, madame Ardente, mais elle n'est pas de moindre condition que les autres filles du village. Et voire-moi à l'enéminative. Jeune et bien faite, d'ailleurs. Charmante. Monsieur verra l'appétit que je prends déjà pour elle. Mais je vous recommande une chose, c'est de ne lui dire que vous l'aimez qu'après qu'Angélique se sera expliquée sur votre compte. Laissez oui, faire. Il ne faut pas que Lisette sache mon dessein. Laissez faire à Blaise. En lui parlant, je lui dirai des propos, elle ne comprendra rien. Oula, oula, vous plaît-il que je m'en aille? Rien ne vous empêche de rester. Je viens d'apprendre, monsieur, par le petit garçon de notre vigneron, qu'il vous était arrivé une visite de Paris. Oui, c'est un de mes amis qui vient voir. Dans quel appartement des Schwartz souhaitez-vous qu'on le loge? Mais nous verrons quand il sera revenu de l'hôtellerie où il est retourné. Où est Angélique, Lisette? Il me semble l'avoir vu dans le jardin qui s'amuse à cueillir des fleurs. Merci. Un homme qui est de bonne composition pour elle, qui a grande envie de l'épouser. Et je lui demandais si elle avait de l'inclination pour lui. Qu'en pensez-vous? Ouais. De quel avis êtes-vous touchant ça, belle brunette mamie? Eh, mais autant que j'en puisse jurer, mon avis est que jusqu'ici, elle n'a rien dans le cœur pour vous. Rien du tout! C'est ce qu'elle disait! Femme, c'est le disait absolument! La réponse n'a rien de trop flatteur, mais je ne saurais en faire une autre. Oh, celle-là est belle et bonne, et je vous l'accorde! J'ai le conçois fond! Et en effet, quel mérite avons-je pour lui plaire à cet enfant? Ce n'est pas que vous ne valiez votre prix, maître Blaise, mais je crains que madame Ardente ne vous trouve pas assez de bien pour sa fille. C'est vrai, pas assez de bien, plus vous allez mieux vous dites. Oh, vous me faites rire avec votre air joyeux. C'est qu'il n'espère pas grand-chose. Eh oui, voilà ce que c'est. Et puis tout ce qui vient, je le prends. Le beau brun fille que vous êtes. Vous êtes lui tourne. Ou il y a là quelque chose que je n'entends pas. Cependant, je me baillerai bien du tourment pour avoir Angélique. Et il en pourra venir que je le rends, ou bien que je ne le rends pas. Vous mettez les deux pour deviner juste. Vous êtes un très grand devin. Et quoi qu'il en soit, j'ai aussi un parti à lui offrir. Mais un très bon parti, il s'agit d'un homme du monde. Et voilà pourquoi je m'informe si elle n'aime personne. Dès que vous vous mêlez d'établir, je pense bien qu'elle s'en tiendra là. Monsieur Lisette, je vais faire un tour dans la grande allée. Dès qu'Angélique sera revenue, je vous prie de m'en avertir. Et soyez persuadé à votre égard que je ne me retournerai point à Paris sans récompenser le zèle que vous m'avez marqué. Vous avez bien de la bonté, monsieur. Ménagez vos termes avec Lisette, maître Blaise. Aussi fait, je n'y mets pas le son commun. Ce monsieur Lucidor a le meilleur cœur du monde. Oh, un cœur magnifique, un cœur tout d'or. Aujourd'hui, comment vous portez-vous, mon jeune Lisette? Que voulez-vous dire avec votre compliment, maître Blaise? Vous tenez depuis un moment des discours bien étranges. Ouais, j'en ai des manières fantasques et ça vous étonne, n'est-ce pas? Oh, je m'en doute pas. Oh, vous êtes agréable. Vous êtes original avec votre agréable. Comme il me regarde. En vérité, vous extravaguez. Tout au contraire, c'est ma prudence qui vous contemple. Eh bien, contemplez. Voyez, ai-je aujourd'hui le visage autrement fait que je ne l'avais hier? Non, c'est moi qui le vois mieux que de coutume. Il est tout nouveau pour moi. Que le ciel vous bénisse. Attendez donc. Mais comme voulez-vous? Se moquer de vous entendre. On dirait que vous m'en comptez. Je sais bien que vous êtes infirmier à votre aise et que je ne suis pas pour vous. De quoi s'agit-il donc? De m'accouter sans y voir goutte. Et de dire à part vous... Ouais, faut qu'il y ait un secret à ça. Mais à propos de quoi un secret? Vous ne me dites rien d'intelligible. Non, c'est fait exprès, c'est résolu. Voilà qui est bien particulier. Ne recherchez-vous pas Angélique? C'est tout conclu. Plus je rêve et plus je m'y perds. Faut que vous y perdiez. Mais pourquoi me trouver si agréable? Par quel accident le remarquez-vous plus qu'à l'ordinaire? Jusqu'ici, vous n'avez pas pris garde si je l'étais ou non. Croirais-je que vous êtes tombé subitement amoureux de moi? Je ne vous en empêche pas. On ne dit pas que je vous aime. Mais que dites-vous donc? Je ne dis pas que je ne vous aime point. Ni l'un ni l'autre, vous en êtes témoin. J'en donnais ma parole, je marchais droit en besogne, voyez-vous. Il n'y a pas rien à ça, je ne dirai. Mais je pense. Et je vois plutôt que vous êtes agréable. Je vous regarde à mon tour. Et si je ne me figurais pas que vous êtes timbré, en vérité, je soupçonnerais que vous ne me haïssez pas. Soupçonnez, croyez, persuadez-vous, il n'y aura pas de mal pourvu qu'il n'y ait pas de ma faute. Et que ça vienne de vous toute seule sans que je vous aide. Qu'est-ce que cela signifie? Et mêmement, avez-vous permis de m'aimer, par exemple? J'y consens encore. Si le cœur vous y porte, ne vous retenez pas. Je vous lâche la bride dessus. Il n'y aura rien de perdu. Le plaisant compliment. Et quel avantage en tirerais-je? Ah, dame, je suis bridé. Mais c'est pas comme vous. Je ne saurais parler plus clair. Voici Mille Angélique. Laissez-moi lui toucher un petit mot d'affection. Et sans que ça m'empêche que vous soyez gentil. Ma foi, votre tête est dérangée, monsieur Blaise. Je n'en vois pas rien. Bonjour, monsieur Blaise.

Et que vous importe. Vous ne manquerez pas de filles. Quand on est riche, on a tout ce qu'on veut, à ce qu'on dit. Au lieu que naturellement, je n'aime pas l'argent. J'aimerais mieux en donner que d'en prendre. C'est là mon humeur. Elle est bien opposée à la mienne. À quelle heure voulez-vous que je parte? Vous êtes bien honnête. Quand il vous plaira, je ne vous retiens pas. Il est tard, cette heure. Mais il fera beau demain. Mon grand ami, voilà ce qu'on appelle un congé bien conditionné, et je le reçois. Sauf vos conseils qui me régleront là-dessus, cependant. Ainsi, belle ingrate, je diffère encore mes derniers adieux. Comment? Ce n'est pas encore fait. Pardi, vous avez bon courage. Votre ami n'a guère de cœur. Il me demande à quelle heure il partira et il reste. Il n'est pas si aisé de vous quitter, Angélique. Mais je vous débarrasserai de lui. Quelle perte! Un homme qui lui faisait sa fortune? Il y a des antipathies insurmontables. Si Angélique est dans ce cas-là, je ne m'étonne pas de son refus et je ne renonce pas au projet de l'établir avantageusement. Eh, monsieur, ne vous en mêlez pas, il y a des gens qu'il ne faut que nous porter guignon. Porter guignon avec les intentions que j'ai. Qu'avez-vous approché à mon amitié? Son amitié, le méchant homme. Dites-moi, de quoi vous vous plaignez? Moi, monsieur, me plaire. Et qui est-ce qu'ils sont? Où sont les reproches que je vous fais? Me voyez-vous fâchée? Je suis très contente de vous. Vous agissez, on ne peut pas mieux. Comment donc? Vous m'offrez des maris tant que j'en voudrais. Vous m'en faites venir de Paris tout exprès, sans que j'en demande. Y a-t-il rien de plus obligeant, de plus officieux? Il est vrai que je laisse là tous vos mariages. Mais aussi, il ne faut pas croire, à cause de vos rares bontés, qu'on soit obligé vite et vite de se donner au premier venu que vous attirez de je ne sais où et qui arrivera tout botté pour m'épouser sur votre parole. Il ne faut pas croire cela. Je suis fort reconnaissante, mais je ne suis pas idiote. Quoi que vous en disiez, vos paroles ont une aigreur que je ne sais à quoi attribuer et que je ne mérite point. Non, j'en sais bien la cause, moi, si je voulais parler. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette science que vous avez dit? Que vous êtes dit? Écoutez, je suis naturellement douce et bonne, un enfant, plus naïf que moi. Mais si vous me fâchez, vous m'entendez bien, je vous promets de la rancune pour 1000 ans. Si vous ne vous plaignez pas de moi, reprenez du moins ce petit présent que je vous avais fait et que vous m'avez rendu, sans me dire pourquoi. Pourquoi? C'est qu'il n'est pas juste que je l'aie. Le mari et les bijoux étaient faits pour aller ensemble, en rendant l'un, je rends l'autre. Vous voilà bien embarrassée. Gardez-les pour cette charmante beauté dont on vous a apporté le portrait. Non, je lui en trouverai d'autres. Reprenez ceci. Oh, monsieur, qu'elle garde tout, je jetterai. Et moi, je l'embrasserai. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que je songe à vous marier. Et que malgré ce que vous m'avez dit tantôt, il y a quelque amour secret dont vous me faites mystère. Mais ça se peut bien. Oui, monsieur, voilà ce que c'est. J'en ai pour un homme d'ici. Et quand je n'en aurai pas, j'en prendrai tout exprès demain pour avoir un mari à ma fantaisie. Je tiens la permission d'interrompre pour avoir la déclaration de votre dernière volonté, mademoiselle. Retenez-vous, votre amoureux nous vient venu. Non, laissez-moi. Me retenez-vous, moi? Non. Une fois, deux fois, me voulez-vous? Oh, l'insupportable homme. Et toujours, maître Blaisel, vous dites non. Oui, mamie. Ah, ça, monsieur, je vous prends un témoin comme quoi je l'aime. Comme quoi elle me repousse, que si elle ne me prend pas, c'est sa faute et que c'est pas sur moi qu'il en faut jeter l'un d'autre. Bonjour, poulet. Ah, on me renseigne, monsieur de Pompoint. Mlle Angélique en refuse deux. Elle en refusait trois, elle en refusait un, boisson. Il y en a qu'un qu'elle a envie. Tout le reste, il y frottait pour elle. Hormis monsieur Lucidor, que j'en devinais dès le commencement. Monsieur Lucidor? Lui-même. N'ai-je pas vu que vous pleuriez quand il fut malade, tant vous aviez peur qu'il ne devint mort? Je ne croirais jamais ce que vous dites là, par exemple. Angélique pleurait pas par amitié pour moi. Comment vous ne croirez pas? Vous ne seriez pas un homme de bien de croire. Vous m'accusez d'aimer à cause que je pleure, à cause que je donne des marques de bon cœur. Et mais je pleure tous les malades que je vois. Je pleure pour tout ce qui est en danger de mourir. Si mon oiseau vous mourait devant moi, je pleurerais. Il y aura tant que j'avais d'amour pour lui. Passons, passons là-dessus, car à vous parler franchement, je l'ai cru de même. Quoi, vous aussi, Lisette? Vous m'accablez, vous me déchirez. Et que vous ai-je fait? Quoi? Un homme qui ne songe pas à moi, qui veut me marier à tout le monde. Je l'aimerais, moi qui ne pourrais pas le souffrir s'il m'aimait, moi qui ai de l'inclination pour un autre. J'ai donc le cœur bien bas, bien misérable. Ah, que l'affront qu'on me fait m'est sensible. Mais en vérité, Angélique, ne voyez-vous pas que ce sont nos petites conversations qui ont donné lieu à cette folie qu'on a rêvée et qu'elle ne mérite pas votre attention? Hélas, monsieur, c'est par discrétion que je ne vous ai pas dit ma pensée. Mais je vous aime si peu que si je ne me retenais pas, je voyerais depuis ce mari que vous m'avez rendu de Paris. Oui, monsieur, je voyerais. Je sais trop même si je ne voulais pas. Je ne voudrais pas jurer que non, car j'avais de l'amitié pour vous et je n'en ai plus. Sont-ce là des dispositions pour aimer? Je suis... suis honteux de la douleur où je vous vois. Et dès l'instant que vous en aimez un autre, tout n'est-il pas dit? Un autre galant? Elle serait marguée pas en peine de le montrer. En peine? Eh bien, puisqu'on m'obstine, c'est justement lui qui parle, c'est à dire. Je l'ai soupçonné, moi! Non, ce n'est pas vrai! Comment? Je ne sais pas l'inclination que j'ai. Oui, c'est lui, je vous dis que c'est lui. Ah, ça, mademoiselle, ne me dit non point, hein, ça n'est ni rime ni raison. Par ma foi, est-ce ma personne qui vous a pris le cœur? Oui, je vous l'ai assez dit. Oui, c'est vous, malade que vous êtes. Et si vous ne me croyez pas, je ne m'en soucie pas. Eh mais jamais votre mère n'y consentira. Non, vraiment, je le sais bien. Oh, et puis vous m'avez rebuté d'abord. J'ai compté là-dessus, moi, si allons autrement. Eh bien, ce sont vos affaires. On n'a pas un cœur qui va et qui vient comme une girouette. Faut être fille pour ça. On se fait rire fille. Oh, accommodez-vous, Benet. Sans compter que je ne suis pas riche. Ah, ce n'est pas là ce qui embarrassera et j'aplanirai tout, puisque vous avez le bonheur d'être aimé, maître Blaise. Je donne 20 000 francs en faveur de ce mariage. Secours à porter la parole à madame Argante et je reviens sur le champ vous en rendre la réponse. Mon père, c'est cul. Adieu, Angélie. J'aurai au moins la satisfaction de vous avoir mariée selon votre cœur. Quelque chose qui manque. Je crois que cet homme-là me fera mourir de chagrin. Ce monsieur Lucidor est un grand marieur de filles. À quoi vous déterminez-vous, maître Blaise? Je dis que vous êtes toujours bien jolie, mais que ces 20 000 francs vous font grand tort. Oh, mon vilain procédé! Est-ce que vous aviez quelques dessins pour elle? Oui, je n'en fais pas le fin. Sur ce pied-là, vous ne m'aimez pas. Ah, si fait, là, ça m'avait un peu quitté. Mais je vous aime chèrement, sœur. À cause des 20 000 francs. À cause de vous et pour l'amour d'eux. Est-ce que vous avez l'intention de les recevoir? Parguez, à vous ta vie. Et moi, je vous déclare que si vous les prenez, je ne veux point de vous. Ah, oh, voici bien un autre. Il y aurait trop de lâcheté à vous de prendre l'argent d'un homme qui a voulu me marier à un autre, qui m'a offensé en particulier en disant que je l'aimais et qu'on dit que j'aime moi-même. Mais ça, elle a raison, j'approuve tout à fait ce qu'elle dit là. Mais écoutez dans le bon sens. Si je ne prends pas les 20 000 francs, vous me perdrez. Vous ne m'aurez point, votre mère ne voudra point de moi. Eh bien, si elle ne veut point de vous, je vous laisserai. Est-ce votre dernier mot? Je ne changerai jamais. Oh, me la vieux garçon. Votre mère consent à tout, belle Angélique. Prenez sa parole et votre mariage avec maître Blaise est conclu, moyennant les 20 000 francs que je donne. Ainsi, vous n'avez qu'à venir tous deux l'en remercier. Point du tout, il y a un autre vertigo qui la tient. Elle a de l'aversion pour le magot de 20 000 francs à cause de vous qui l'ai délivré. Elle ne veut point de moi si je les prends et je veux du magot avec elle. Et moi, je ne veux plus de qui que ce soit au monde. Arrêtez de grâce, j'ai mangé. Alors, laissez-nous, Bourgeot. Mais non, notre premier marché tient-il toujours? Mais oui, je vous le garantis. Que le ciel vous conserve en joie. Je vous prie en tant bien. Vous pleurez, Angélique. C'est que ma mère sera fâchée. Et puis, j'ai eu assez de confusion pour cela. Bon, à l'égard de votre mère, ne vous en inquiétez pas, je la calmerai. Mais me laisserez-vous le chagrin de n'avoir pu vous rendre heureux? Ah, oh, je ne veux rien d'un homme qui m'a donné le renom que je l'aimais toute seule. Je ne suis point l'auteur des idées qu'on a eues là-dessus. On ne m'a point entendu me vanter que vous m'aimiez, quoique j'eusse pu croire aussi bien que vous. Après toutes les amitiés, toutes les manières que vous avez eues pour moi depuis que vous êtes ici, je n'ai pas abusé de cela. Vous n'en avez pas agi de même et je suis la dupe de ma bonne foi. Mais quand vous auriez pensé que je vous aimais, quand vous m'auriez cru pénétrer de l'amour le plus tendre, vous ne vous seriez pas trompé. Et pour achever de vous ouvrir mon cœur, je vous avoue que je vous adore, Angélique. Je n'en sais rien. Mais si jamais je viens aimer quelqu'un, ce n'est pas moi qui lui chercherai des filles en mariage. Je laisserai plutôt mourir garçon. Hélas, sans la haine que vous m'avez déclarée, qui m'a paru si vraie, si naturelle, j'allais me proposer moi-même. Et qu'avez-vous encore à soupirer? Vous dites que je vous hais. N'ai-je pas raison? Quand il n'y aurait que ce portrait de Paris que vous avez dans votre poche. Ce portrait n'est qu'une feinte. C'est celui d'une sœur que j'ai. Je ne pouvais pas deviner. Mais voici Angélique et je vous le donne. Qu'en ferais-je si vous n'y êtes plus? Un portrait ne guérit de rien. Si je restais, si je vous demandais votre main, si nous ne nous quittions de la vie. Ah, voilà du moins ce qu'on appelle parler, cela. Vous m'aimez donc? Ai-je jamais fait autre chose? Vous me transportez, Angélique. Eh bien, monsieur, mais comme l'âge, vous êtes aujourd'hui de ma vie, je pense. Oui, madame. Et je l'épouse dès aujourd'hui, si vous y consentez. Vraiment? Que de reste, monsieur! C'est bien de l'honneur à nous tous. Et il ne manquera rien à la joie où je suis si monsieur, qui est votre ami, demeure aussi le nôtre. Je suis de si bonne composition que ce sera moi qui vous verserai à boire à table. Marais! Puisque vous aimiez tant Frontin et que je lui ressemble, j'ai envie de l'aider. Ah, coquin, j'entends bien, mais tu l'es trop tard. Je ne pouvons nous quitter, il y a 12 000 francs qui nous suivent. Que dit-il signifie cela? Non, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Qu'on fasse venir les galons du village et que la journée finisse par des danses. jalouse. Marie jaloux, tendres amants, dormez sur la foi des serments, qu'aucun soupçon ne vous émeuve, croyez l'objet de vos amours, car on ne gagne pas toujours à le mettre à l'épreuve. À le mettre à l'épreuve. Vous venez d'entendre l'épreuve Comédie en un acte de Marivaux, avec le concours de Julien Berthaud, Jean Piat, Gisèle Casadesu, Suzanne Nivette, Jeanne Moreau et Jean-Louis Le Goff. Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française vient de vous offrir en transmission différée la diffusion du spectacle classique de la Comédie française à Paris, salle Luxembourg. Au cours de cette transmission, vous avez pu écouter en première partie Horace, tragédie en cinq actes de Corneille, et en seconde partie, terminant le spectacle, L'épreuve, un acte de Marivaux. La présentation de ce spectacle était due à M. Émile Masse.